militant style. Par les batches sound system, hello pan de mic. Pour tous les massifs conscients, pour tous les massifs militants. Hey, écoute bien celle-ci, la même couleur. On n'a pas tous la même couleur, les mêmes douleurs, les mêmes joies et les mêmes humeurs. On n'a pas tous les mêmes malheurs, on les écoute nous décrire leur misère. On leur répond charter, je te parle de cœur. Avec des quotas, quand vas-tu taire? On n'a pas tous la même couleur, les mêmes douleurs, les mêmes joies et les mêmes humeurs. On n'a pas tous les mêmes malheurs, on les écoute nous décrire leur misère. On leur répond charter, je te parle de cœur. Avec des quotas, quand vas-tu taire? Je résonne avec le cœur comme tout mon crew, car c'est notre base à nous. Malgré mes grands yeux bleus, ma tête d'enfant de cœur, ça fait des années que je déplore et constate que l'État français veut virer les bas années. Je viens faire une mise au point, histoire qu'on vienne plus nous bassiner. Avec des idéaux trop beaux, n'en parlez plus jamais, non. Où est donc passée cette France que j'aimais? Dans les livres d'école, je connaissais pas le réel et on me disait, j'y vais sur une terre d'accueil, mais j'ai réalisé. Et si tu te demandes pourquoi, comment, je connais bien le sujet, c'est que j'en ai vu plus d'un sans avocat en deux de se faire juger. J'ai vu des policiers les arrêter pour leur couleur de peau. J'ai vu qu'on les mettait dans des cages comme des animaux. On n'a pas tous la même couleur, les mêmes douleurs, les mêmes joies et les mêmes humeurs. On n'a pas tous les mêmes malheurs, on les écoute nous décrire leur misère. On leur répond charter, je te parle de cœur. Avec les quotas, quand vas-tu taire? On n'a pas tous la même couleur, les mêmes douleurs, les mêmes joies et les mêmes humeurs. On n'a pas tous les mêmes malheurs, on les écoute nous décrire leur misère. On leur répond charter, je te parle de cœur. Avec tes quotas, quand vas-tu taire? Mais vous inquiétez pas pour moi, je suis conscient. On a beau garder les pieds sur terre, y'a des choses qu'on sent. Et si je sais qu'il faut mettre de côté la démagogie, dis-moi si tu sais, je ne comprends pas quelle est la logique. Non, qui les anime? Monsieur Sarkozy, sais-tu qu'ils sont unanimes? T'as brisé la vie de trop de familles, alors avant de penser à être président, achète-toi un cœur. Une tête avec et ta popularité me fera moins peur pendant que le préfet casse des vies. Moi, sous le riddim, j'casse des dix aux étrangers sans papier. Celle-ci, c'est à vous que la dédie. Big up aussi, c'est Sing, Guichaoui, Mamadou Diabaté. Hommage à tous ceux qui marchent dans la peur de se faire arrêter. On n'a pas tous la même couleur, les mêmes douleurs, les mêmes joies et les mêmes humeurs. On n'a pas tous les mêmes malheurs, on les écoute nous décrire leur misère. On leur répond charter, j'te parle de cœur. Avec des quotas, quand vas-tu taire? On n'a pas tous la même couleur, les mêmes douleurs, les mêmes joies et les mêmes humeurs. On n'a pas tous les mêmes malheurs, on les écoute nous décrire leur misère, on leur répond charter, je parle de cœur. Avec des quotas, qu'on va tu taire? La France n'hésite pas à renvoyer chez eux les fils de combattants. Double peine abolie, ça c'est faux, ça n'est pas fini malgré ce qu'on entend. Le savoir est une arme, alors soyons précis. Trop d'étrangers reconduits, ont laissé leur famille ici. Des prétextes de mythomanes ont mené les boys en Irak. Ici, la peur de l'étranger, on appelle ça vigipirate. On contrôle et on renvoie et on envoie des faux messages. Agamorphine, on est là pour vous dire qu'il n'y a pas d'avenir sans métissage. On n'a pas tous la même couleur, les mêmes douleurs, les mêmes joies et les mêmes humeurs. On n'a pas tous les mêmes malheurs, on les écoute nous décrire leur misère. On leur répond charter, je te parle de cœur. Avec des quotas, qu'on va tu taire? On n'a pas tous la même couleur, les mêmes douleurs, les mêmes joies et les mêmes humeurs. On n'a pas tous les mêmes malheurs, on les écoute nous décrire leur misère. On leur répond charter, je te parle de cœur. Avec des quotas, qu'on va tu taire? Promesse de justice, Sticky Lion, say, whoa, na-na-na, whoa, na-na-na, whoa!